Amateurs de reggae, ne manquez pas le spectacle reggae du temps des fêtes avec Ja and I, le samedi 28 décembre à la salle de spectacle Le Dauteuil, du 228 Saint-Joseph-Est. Aussi, pour les amateurs de musique traditionnelle, il y aura les chauffeurs à pied avec la déferlance et le caleur Ghislain Jutras, le 30 décembre. Billets disponibles sur ledauteuil.ca. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical, et Marc Chaunet, pour ce 2 heures de bon rock progressif. Et comme d'habitude, Bruno nous a concocté le meilleur du prog des années 2000 et plus. Dans son choix musical, bien, il y a plusieurs artistes qu'on va avoir la chance de voir à Québec lors du Festival Terra Incognita 2020, alors les 15, 16 et 17 mai, on aura l'occasion de voir Anik Dalton, La Mascara d'Ichera, et c'est ce qui va débuter le choix musical. Et d'ailleurs, on aura aussi les formations norvégiennes 35 Tapes, IS Project, Sintonia Distorta de l'Italie, Professor Tip Top, on aura une pièce tantôt aussi de Professor Tip Top, aussi en Scandinave, là, Professor Tip Top, dans la Norvège. Ensuite, on aura également Head with Wings des États-Unis, qui seront là le dimanche. Quelques lycées de Trono, un nouveau groupe italien qui sera là le dimanche aussi. En fait, c'est presque un miracle qu'on ait la formation La Mascara d'Ichera au festival en 2020. Ça, c'est incroyable. Alors, on aura donc de Until All the Ghosts Are Gone, le plus récent album d'Anik Dalton, la pièce Shooting Stars. On aura également de Lux AD, tiré de cet album Lux AD, une pièce de La Mascara d'Ichera, et également la nouvelle formation, un album de 2019, Monkey Tree, et l'album Sphère. On aura la pièce Axis. On y va en musique avec Anik Dalton. We'll be right back.

getterò laggiù nel ritorno. CKRL vous souhaite de très joyeuses fêtes. Vous êtes artiste et vous cherchez un nouveau défi? CKRL vous invite au concours Talent en scène à la Korigane. Comment peut-on orienter ses forces? Musique, chant, poésie, slam, humour, soyez l'un des 26 artistes participants. On plonge dans la création continue de notre propre existence. Vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2020 de la Korigane, une campagne publicitaire de 1 000 $ à CKRL, une session live enregistrée, une séance photo professionnelle, et même 500 $ échangeables en temps de studio d'enregistrement. Et ça, c'est quand même assez magnifique. Inscription en tout temps sur ckrl.qc.ca. C'est exactement ça. Vous avez besoin d'une vidéo? Hugo Dufour Productions peut vous aider à atteindre vos objectifs, que vous soyez une entreprise ou un créateur. Hugo Dufour Productions filme, monte, mixe et planifie une stratégie de diffusion avec vous, selon vos besoins et surtout votre budget. Vous ne savez pas par où commencer? Faites confiance à Hugo Dufour Productions, vidéaste officiel de CKRL, qui vous guidera étape par étape. Rendez-vous sur hugodufour.com pour discuter de votre projet avec lui. De retour. Alors, on a terminé ça avec Monkey Tree. C'est tiré de l'album Sphère. On avait eu juste avant La Maschera di Cera, tiré de l'album Lux AD. C'était la pièce Nuova Luce. La Maschera, je le rappelle, qui seront avec nous à Québec pour une reformation inattendue, je dirais, et franchement, un événement unique qu'il ne faut pas manquer le dimanche 17 mai au Centre d'art La Chapelle dans le cadre de la 16e édition du Festival Terra Incognita. Et juste avant, on avait débuté avec Alec Dutton, tiré de l'album Until All the Ghosts Are Gone, leur plus récent, qui date de 2014. La pièce Shooting Star, eux, ils seront en spectacle pour deux spectacles différents, le vendredi 15 mai et samedi 16 mai, au Centre d'art La Chapelle, dans le cadre de Terra Incognita. Il y aura également plusieurs autres formations qui seront là. Les billets sont en vente sur le site du Centre d'art La Chapelle. Aussi, dans quelques jours, vendredi prochain, il y aura The Musical Box qui feront Extravaganza 2 au Grand Théâtre et d'autres spectacles qui sont annoncés. On en a déjà parlé. On vous en reparlera au retour. D'ailleurs, on vous souhaite de joyeuses fêtes, si ce n'est pas déjà fait. Et on y va en musique avec le beau choix musical de Bruno, comme je le disais en début d'émission. La Cosienza di Zeno, c'est un album en spectacle d'Alvino, je ne suis pas sûr, Vivo. Et ce sera la pièce Nei Cerchi del Legno. On aura la formation Fatal Fusion, eux, ils sont de la Norvège. Puis d'ailleurs, en 2020, ils vont sortir un nouvel album. Là, ce sera un extrait de The Ancient Tale. Et on aura également la formation norvégienne Professor Tip Top qui seront à Québec pour une première présence au Canada le samedi 16 mai dans le cadre de Terra Incognita. Alors, Professor Tip Top tiré de l'album Exobiology. On y va tout de suite en musique avec la Cosienza di Zeno. We'll be right back.

soon when the sun goes down. Deep in the earth, volcano birth, green turn brown, turn to orange bright, to be a flame, consume again. When we climb, we are divine, but still we fall back in the slime. Down. And so we dream of Ici Jessica Leb, directrice de la programmation. Au nom de toute l'équipe et de la centaine de bénévoles de CKRL, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Prenez du temps pour vous. Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2020. Vous êtes artiste et vous cherchez un nouveau défi? CKRL vous invite au concours Talent en scène à la Korigane. Comment peut-on orienter ses forces? Musique, chant, poésie, slam, humour, soyez l'un des 26 artistes participants. On plonge dans la création continue de notre propre existence. Vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2020 de la Korigane, une campagne publicitaire de 1 000 $ à CKRL, une session live enregistrée, une séance photo professionnelle, et même 500 $ échangeables en temps de studio d'enregistrement. Et ça, c'est quand même assez magnifique. Inscription en tout temps sur ckrl.qc.ca. C'est exactement ça. Entre Noël et le jour de l'an, au Trafiquant d'art, toutes les œuvres en boutique sont en promotion. Profitez d'un rabais instantané de 15 à 50% sur toute la marchandise en magasin. Les Trafiquants d'art seront ouverts tous les jours du 26 au 31 décembre. Venez découvrir notre vaste sélection d'affiches et de toiles d'artistes locaux et internationaux, offertes avec ou sans encadrement. Du 26 au 31 décembre, profitez du Boxing Day au Trafiquant d'art, 3e avenue à Limoilou. De retour, on avait Monarch Trail, ça c'est une formation canadienne, vraiment excellent. Ils ont deux albums, ça c'était tiré de leur premier album, paru en 2014, l'album Sky. La pièce Luminescence, on avait eu juste avant la formation du Royaume-Uni, Regal Worm, tiré de Pig View, c'est leur plus récent, là, 2018, troisième album. Et on avait débuté avec Moon Letters, formation américaine, et l'excellent nouvel album, là. C'est leur premier album et c'est un excellent disque, Until They Feel the Sun. On y va maintenant avec Arabs in Aspic, tiré de Sinless Maggie et plein d'autres bonnes musiques encore. Ben, il nous reste 30 minutes avec vous et c'est toujours l'excellent choix musical de Bruno Côté qui fait également la mise en onde. Stämmer i. Här du finns en väg i. Alvarez som påfugel i speil. Med høyvånden i midten, med vassen ned på klør. Hvor ingen under andre, hverken lykke eller død. Ærens port er lukket, den er låst for deg og meg. Nøkkelen har du mistet når du ser en annen vei. Av jord er du kommet, og til jord skal du bli. Og aldri gjennomstå før du stemmer i. Yeah. We'll be right back.